Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Les Enfants du Paradis, une super production sous l'occupation. Sorti en 1945, ce film réalisé par Marcel Carnet, écrit par Jacques Prévert, est un monument du cinéma français, élu meilleur film de tous les temps par quelques 600 critiques lors du centenaire du cinéma. Une hégémonie qui tient tout à la fois à ses moyens exceptionnels, sa durée, son ampleur, ses acteurs mythiques et l'universalité de son thème, amoureux et théâtral. Certains parlent aussi d'une forme d'académisme un peu rigide qui protège l'œuvre du temps. Et il n'en reste pas moins que l'industrie du cinéma français, ses arts et ses techniques, son artisanat, ont atteint ici un sommet. Même le jeune Turc, François Truffaut, plutôt critique du cinéma de Carnet, s'inclinera à la fin de sa vie. « J'ai fait 23 films, dit-il, mais je les donnerai tous pour avoir fait Les Enfants du Paradis ». Tourné sous l'occupation, exploité après la libération, le film concentre tous les déchirements de son temps. Un scénariste, poète et anarchiste, un cinéaste homosexuel de gauche, un décorateur et un compositeur juif contraint de travailler dans la clandestinité, un acteur officiellement collabo, une star française maîtresse d'un officier allemand. Les personnages du film, eux, traversent la réalité sur la pointe des pieds, étonnant funambule en équilibre entre la comédie et le drame. Tels sont les ingrédients de ce film, sensible à bien des égards. Notre invité aujourd'hui, Carole Horouet, enseignante et chercheuse à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de Jacques Prévert, y a consacré une dizaine d'ouvrages, dont le dernier, intitulé Prévert et le cinéma, a été publié aux nouvelles éditions Jean-Michel Place en 2017. Affaires sensibles, une mission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Il arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Il rapportait cette victoire qu'on avait cru perdue et dont le premier, au 18 juin 40, il n'avait pas désespéré. Et puis, à ce peuple meurtri que l'ennemi pendant 4 ans avait humilié pour mieux la servir, il rapportait cette chose immense et merveilleuse, la liberté. Vendredi 2 mars 1945, place du Trocadéro, Paris 16e. Moins d'un an après le débarquement de Normandie et la libération progressive du pays, le printemps s'éveille dans une France en ruine et en deuil. Après les jours heureux, après les heures sombres de l'épuration, le pays entend désormais panser ses plaies, juger le maréchal Pétain et rire de nouveau. Durant les 4 longues années de l'occupation, Paris n'a pourtant jamais oublié ses théâtres et ses cabarets, dernier refuge en ces jours de guerre. Mais aujourd'hui libéré, c'est plus que jamais qu'on se précipite au spectacle. Alors, ce 2 mars 1945, le tout Paris des cinéastes se presse sur les marches du Palais Chaillot à la première du grand film de la libération, Les Enfants du Paradis, réalisé par Marcel Carnet, écrit par Jacques Prévert. En haut de l'affiche, les plus grandes stars de l'époque, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Marcel Héran, Louis Salou, et bien sûr, Arletty, sublime et gouailleuse, sublime parce que gouailleuse. Mais en ce soir de gala, organisé au profit des blessés de guerre, la gueule d'atmosphère est absente. Oui, arrêtée pour sa liaison avec un officier allemand, Arletty est placée depuis en résidence surveillée et ne peut pas assister à la première. Loin de son égérie, le réalisateur Marcel Carnet s'assoit, anxieux sur les fauteuils rouges. Et la lumière tombe, le rideau se lève, celui du théâtre des funambules décore des Enfants du Paradis. Entrez ! La vérité est ici ! Entrez ! Venez la voir ! Et quand vous l'aurez vu, vous qui français le jour vous en rêverez la nuit. Simplement vêtue d'elle-même, elle se présente à tous dévoilée. Entrez, messieurs, entrez, on ne fait qu'en sortant. Le film s'ouvre sur le Paris de 1830, boulevard du crime, surnom donné au 19e siècle au boulevard du Temple, où se regroupent alors tous les théâtres populaires de la capitale. Arletty, Pierre Brasseur et Jean-Louis Barrault interprètent des comédiens du quartier qui, pour certains, ont réellement existé. Ainsi, le truculent Pierre Brasseur et Frédéric Lemaître, monstre sacré de l'époque. Marcel Héran joue Pierre-François Lassner, dandy du crime, anarchiste et poète, qui défrayant en son temps la chronique, il finira guillotiné. Enfin, le gracieux Jean-Louis Barrault devient le mime Baptiste Debureau, créateur du célèbre Pierrot. Et puis, il y a la femme, objet de tous les désirs, Garance, interprétée par Arletty. Ce sera le rôle de sa vie, écrit à sa mesure. Garance est Arletty. Elle a son humour, son phrasé, titi parisien, sa mélancolie. Elle est la figure d'une femme imaginaire, insolente, fragile et indomptable. D'aucuns diront qu'elle est une allégorie de la France. Et c'est donc autour d'elle que se joue le ballet des sentiments. Trois hommes épris qui s'interrogent sur le sens de l'amour et la nature du théâtre, la vérité, l'artifice. Le tout transcendé par de vieux mots d'amour tout neufs d'un Prévert au sommet de son art. Mais non, pardon. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors? Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard? Oh. Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Fresque grandiose, Les Enfants du Paradis se composent de deux parties de 1h30 chacune. Le boulevard du crime et l'homme blanc. Entre les deux, quelques années ont passé. L'amour est toujours impossible et ne reste sur le sable que le pas des amants désunis, comme dit la chanson. Dans la salle du Palais Chaillot, ce 2 mars 1945, ici aussi le temps passe. Après 2h30 de projection, les sièges commencent à grincer, les spectateurs s'agitent. Le réalisateur, Marcel Carnet, s'inquiète, serait-ce par ennui? En réalité, une partie du public a peur de rater le dernier métro. Le film, commencé avec du retard, dure plus de 3 heures et beaucoup n'ont toujours pas de voiture, l'essence est réquisitionnée et les taxis ont déserté les rues. Reste donc le métro, le dernier, comme dirait Truffaut. Il part à 1h30. Dans ses mémoires, publiées en 1975, Marcel Carnet raconte cette fin de projection un peu chaotique. C'est pourquoi la dernière bobine, qui au surplus n'est pas synchrone, est projetée dans un bruit de fauteuil qui claque. C'est peut-être pourquoi, également, après des applaudissements hâtifs, les gens se ruent vers la sortie. À l'exception de quelques groupes, la salle se vide en un clin d'œil. J'aperçois Feder et Françoise Roset. Sachant qu'ils sont de retour en France, ayant quitté la Suisse où ils ont passé toute la guerre, je les ai naturellement invités. Je reçois d'eux un accueil assez froid. Feder me dit un « c'est pas mal » qui me glace. Et la presse, qu'en dit-elle ? Élogieuse dans l'ensemble, à l'exception du très influent chroniqueur François Chalet. « Hélas, écrit-il, nous n'avons eu qu'un vautrin revu par Paul Féval avec une interminable tranche de Mystère de Paris. » Les références sont datées, mais la critique acerbe. Chalet se ravisera cependant quelques jours plus tard. Après la projection londonienne des Enfants du Paradis, à la sortie, il s'approche de Carnet et il lui dit spontanément et probablement sincèrement « Excusez-moi, je me suis trompé. Votre film est très beau. » Ils sont désormais des millions à le penser. Le 22 mars 1945, après une semaine d'exclusivité parisienne, les Enfants du Paradis sont partout en France. Les deux époques du film étant projetées dans deux salles différentes, le prix du billet est doublé. Mais qu'importe, c'est un triomphe. La preuve, le film reste à l'affiche 54 semaines d'affilée et finit sa carrière avec un record de 4 700 000 spectateurs. Il devient alors le symbole de l'excellence française, l'emblème de la reconstruction nationale. Facile l'histoire, le film de la Libération est en réalité le dernier tourné sous l'occupation et il emporte les funestes stigmates. Jacques Prévert dira que toute fiction est un documentaire sur les acteurs qui y figurent, à commencer par le tournage du film qu'il a écrit, Les Enfants du Paradis, est en ce sens un cas d'école, une sacrée aventure qui commence bien des années plus tôt par une rencontre légendaire. C'est-à-dire, je l'avais rencontré depuis longtemps, enfin je le connaissais depuis longtemps ce poète. Tout jeune, j'étais allé une fois à la maison des syndicats, rue Mathurin Moreau, où on y jouait une pièce qui s'appelait La bataille de Fontenoy. Je m'étais beaucoup amusé. Et des années après, je me souvenais encore d'une phrase dans cette pièce qui était « Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd ». Ça m'avait beaucoup amusé. Et quand j'ai fait mon premier film, j'ai demandé cet homme qui s'appelait Jacques Prévert. Et je m'attendais à ce qu'on me dise « Oh là là, c'est pas possible, un anarchiste, un surréaliste, tout ce que vous voyez en lui. » Le groupe Octobre. Le groupe Octobre, tout. Par exemple, contrairement à ce que j'imaginais, le producteur m'a dit « Mais nous ne connaissons que lui, il vient de faire un film avec Jean Stély pour notre maison. » Et voilà comment j'ai fait la connaissance de Prévert. Il avait également... Et comment on devait travailler 10 ans ensemble. Dans l'émission Au cinéma ce soir, diffusée en 1974, Marcel Carné évoque sa première rencontre avec Jacques Prévert. C'était en 1936, Carné avait 30 ans, et il voulait réaliser son premier long métrage. Eh bien, le poète lui a prêté sa plume, et cela s'appellera Jenny. S'en suivra Drôle de drame, Quai des brumes, et son célèbre « T'as de beaux yeux, tu sais ». Puis, en 1939, Le jour se lève avec Jean Gabin et Arletty. Oui, Arletty, déjà elle. Carné-Prévert, duo assez improbable, mais pas vraiment amical. Deux personnalités très différentes, mais avec une véritable alchimie dans le travail et jusqu'à la gloire. En 1942, en plein cœur de la guerre, il réalise Les Visiteurs du soir, film médiéval fantastique, avec Arletty, encore elle, en femme fatale bien sûr, envoyée par le diable évidemment. C'est un immense succès critique, public et commercial. Leur producteur, André Paulvé, figure incontournable du cinéma français des années 40, est aux anges. Il donne alors carte blanche au duo Carné-Prévert pour leur prochain film et un budget quasi illimité. Malgré l'occupation, malgré la pénurie des matières premières et celle de la pellicule. Aussi étonnant que cela puisse paraître, aujourd'hui, le cinéma français sous l'occupation connaît une sorte d'âge d'or, ou disons plutôt de temps héroïque. En août 40, alors que les films américains et les films français de plus de 4 ans sont proscrits, le régime pétainiste repense l'ensemble du système de production. Il crée ainsi le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, qui deviendra le CNC après la guerre, et une école, l'IDEC, aujourd'hui la FEMIS. L'objectif est de revitaliser le cinéma français. Et ça marche. De 75 films annuels avant-guerre, on en compte 82 en 1943. Cela n'empêche pas, bien sûr, l'exil d'artistes emblématiques aux États-Unis comme Jean Gabin, Jean Renoir ou Michel Morgan. Ceux qui restent sont confrontés à une double censure, celle du puritanisme de Vichy et celle de l'occupant allemand personnifié par Alfred Greven. En octobre 40, Goebbels nomme cet esthète francophile à la direction de la Continental Film, principale société de production française, financée par des capitaux allemands. Du reste, que veut l'occupant ? Du divertissement, histoire de mieux avaler la pilule de l'occupation, peut-être. Et puis, Paris n'était pas la ville des plaisirs ? Ainsi, durant toute cette période, rares sont les films français de propagande antisémite. Non, à la place, on vend de l'amour, du rêve, de la fantaisie et sans la moindre allusion à l'actualité, bien entendu. Un espace de liberté surveillé dont s'empare Marcel Carné, comme il l'explique sur le plateau d'Apostrophe le 27 juin 1975. On voulait, dans son domaine, se battre et montrer qu'on n'était pas le genou à terre. C'est très difficile à expliquer, mais c'était une sensation très singulière. On va se battre, de n'importe quelle manière, et on va continuer. Et on va faire des films, même s'il y a les pires difficultés, il faut gagner. À savoir, ce que nous essayons de regagner par l'esprit, ce qui avait été perdu par les armes. Ainsi, pour leur sixième collaboration, Marcel Carné et Jacques Prévert cherchent plutôt dans le genre grande fresque que dans le film intimiste. Ils se retrouvent au début de l'année 43, à Nice, en zone sud, et en quête d'idées. C'est alors que promenade des Anglais, il rencontre le comédien et ami Jean-Louis Barrault. À la terrasse d'un café, les trois compères parlent théâtre, comme toujours. Barrault leur raconte alors cette anecdote du mime Baptiste de Bureau, le célèbre Pierrot du 19e siècle. Agressé par un ivrogne qui insulte sa femme, de Bureau le tue à coups de canne. À son procès, tout Paris se précipite aux assises pour entendre, oui, entendre, et pour la première fois, la voix du mime. Et là voilà la bonne idée. Carnet et Prévert veulent faire revivre cette foule parisienne, ses artistes, sa fantaisie, son public. Le cinéaste se rend alors à Paris et se rue au musée Carnavalet. Pendant 3 semaines, il consulte des centaines de stands du boulevard du crime, du grand théâtre, des funambules, des dessins déstabinés de marchands de rue. Puis, il repart sur la Côte d'Azur, heureux de sa moisson. Il y a là de quoi faire 12 films, répond Prévert Carnet. Leur producteur, André Paulvé, en est convaincu, lui aussi. Alors dès le départ, il est entendu que le film, intitulé à l'époque Les Funambules, durera plus de 3 heures et qu'il sera projeté en 2 parties, pour plus de bénéfices à l'exploitation. Paulvé veut faire de ce nouveau projet le chef-d'œuvre de la Renaissance du cinéma national. L'enjeu est si important que la Direction Générale du Cinéma autorise une coproduction italienne permettant au film d'échapper aux restrictions financières françaises. Et André Paulvé est contraint de céder ses droits à la firme Scalaire. Le film sera tout de même tourné chez lui, au studio de la Victorine à Nice, dont il est copropriétaire. Voilà, le travail peut commencer pour Carnet et pour Prévert. Une mécanique bien huilée, comme l'explique le réalisateur Bertrand Tavernier dans le documentaire « Il était une fois les enfants du paradis » réalisé par Julie Bonnand en 2009. Carnet est la personne qui a su le mieux faire travailler Prévert. Carnet aussi était un bulldog. Quand les ambitions d'un projet étaient définies, Carnet devenait intraitable. Et ce qui fait qu'il arrivait à sauvegarder toutes les ambitions du scénario de Prévert et à leur donner aussi quelque chose. Parce que le découpage chez Carnet est souvent formidable. Il est souvent extrêmement aigu, extrêmement intelligent. Prévert m'a dit, Carnet est le seul cinéaste avec lequel j'ai travaillé qui était incapable d'écrire une phrase de dialogue et de changer une ligne dans un scénario. Tous les autres, il disait, étaient des scénaristes. Grémillon, Renoir, Cayatte. Carnet, c'était impossible. En février 1943, Jacques Prévert s'installe à l'auberge du Prioré, Prioré de Valette, près de Saint-Paul-de-Vence, alors que la France est totalement occupée par les nazis. Il réunit autour de lui ses fidèles, Alexandre Trauner en tête, décorateur juif hongrois, contraint de travailler dans la clandestinité pour cause de lois antisémites. L'avantage de l'auberge, écrira Trauner, c'était qu'elle avait une porte qui s'ouvrait à l'arrière si la police débarquait. Il participera aux Enfants du Paradis de façon anonyme, avec l'appui de son grand ami Prévert, mais aussi celui de ses collègues. Trauner esquissera les dessins et maquettes du décor qu'André Barasque réalisera. Idem pour le compositeur Joseph Kosma, lui aussi juif hongrois. Il composera un ballet pour les pantomimes, signé sous un prête-nom, tandis que Maurice Thirier s'occupera du reste de la musique. Enfin, le peintre Maillot accepte de créer les costumes main dans la main avec la maison Lanvin qui met à sa disposition ses plus beaux tissus, un signe privilège. Ainsi, pendant plusieurs semaines, l'auberge du Prioré se transforme en joyeux phalanstère d'artistes, presque insensibles au chaos du monde. Dehors, les combats font rage et les Américains, après la victoire de Midway, poursuivent la conquête du Pacifique à bord de leur bombardier Boeing B-29, mais show must go on. Au funambule, c'est vivant, ça saute, ça remue. La féerie, quoi. Apparition, disparition. Exactement comme dans la vie. Et puis, boum, la savate. Boum, le bâton, comme dans la vie. Et quel public. Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut. Au paradis, au paradis. Ici aussi, on lève les yeux au ciel, mais au paradis, surnom donné au 19e siècle, au dernier balcon des théâtres, ce qu'on appelle aujourd'hui le poulailler. Un paradis où s'entassent ceux qui ont les poches vides, le rire contagieux et le verbe haut. Eh bien, c'est à eux que Prévert et Carnet décident de rendre hommage. Le film est alors rebaptisé « Les enfants du paradis ». « Quant à la distribution, facilitée par le succès des visiteurs du soir, elle sera exceptionnelle. Outre Jean-Louis Barrault, à l'origine du projet pour le rôle du mime Baptiste, on retrouve Pierre Brasseur, déjà aperçu dans Quai des Brumes, Marcel Errant et Lassner. La théâtrale Maria Cazares joue son premier rôle à l'écran avec le personnage de Nathalie. Robert Levigan incarne Jéricho, le marchand d'habits, et, le meilleur pour la fin, Arletty, l'actrice préférée de Carnet et de Prévert, interprète Garance. Un personnage d'amoureuse idéal, au moment où personne ne l'ignore. L'actrice vit une liaison passionnelle avec Hans-Jürgen Schöring, officiellement de la Luftwaffe. Prévert, lui, ne cessera de parler de sa merveilleuse amitié avec l'actrice, comme dans cette interview en 1974. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent, c'est la façon de le dire. Et Arletty, elle a une façon de parler qui n'appartient qu'à elle. Les acteurs, c'est... Tout film est un documentaire. N'importe quoi, des fois c'est la mère, des fois c'est n'importe quoi l'autre. Puis des fois c'est les êtres humains, comme on les appelle. Voilà. Et Arletty, elle est dans un documentaire qui est celui de sa vie. Elle est pareille dedans, pareille dehors. Arletty, par exemple, point de vue cinéma, on ne peut pas dire que c'est une star. Arletty, c'est un tournesol, un soleil, le Courbevoie, c'est là où elle est née. Moi, je suis né pas loin, à Neuilly. À un an près, on a le même âge. On aurait pu se connaître tout petit. On s'est connu très tard. En plus de cette prestigieuse équipe, ajoutons un budget initial de 26 millions de francs. Le plus important jamais engagé pour un film français. Tout va presque trop bien, pense Carnet. Et le 16 août 1943, au studio Victorine de Nice, le premier coup de manivelle est donné. Après quelques plans en intérieur, la troupe se déplace sur un terrain attenant où se dresse l'impressionnante reconstitution du boulevard de Crime. Il mesure 80 mètres de long, mais il en paraît le double grâce à la qualité des trompe-l'œil du magicien Tronner. Mais l'histoire rattrape vite ses enfants rêveurs. Le 3 septembre 1943, les forces alliées débarquent en Sicile entraînant l'effondrement du régime fasciste de Mussolini. Son successeur signe armistice le 8 septembre. L'Italie a changé de camp. Alors, plus question de poursuivre la coproduction transalpine des Enfants du Paradis. Le lendemain, Vichy ordonne à l'équipe du film de regagner Paris. Carnet tente alors de jouer la montre. L'immense décor du boulevard du crime n'aura servi que 3 jours. Mais il doit s'avouer vaincu. D'autant que son producteur, André Paulvet, est à présent interdit de toute activité par les Allemands. Les raisons de cette mise à l'écart sont restées obscures. Le 15 septembre 1943, un mois après le clap de début, le tournage des Enfants du Paradis est officiellement interrompu. Et, bien malin, celui qui pourra dire jusqu'à quand. Vous ne pouvez pas savoir comme mon pauvre cœur est lourd. Pourtant, je le sens ce soir, l'amour n'interdit pas l'amour. Le jeu recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore mon tour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu, tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu. Vous venez, je ne sais d'où, j'ignore jusqu'à votre nom. Je vois que vos yeux sont doux, mais votre voix m'entêle, ou non. Tant pis, je vous aime, l'amour c'est moi-même, qui meurt, qui renaît chaque jour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu. Tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse. Et chaque amour est un retour au paradis. Perdu. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François ? Non, mon ange. Voyez aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garance, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance, je vous assure. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne va pas comme le leur. Vous entendez absolument pas. Oh non, il n'est pas comme les autres, ce Pierre-François Lassner, assassin et écrivain public, guillotiné en 1836, interprété à l'écran par Marcel Herrand. Dans cette scène, il confie à Garance, joué par Arletty, son futur crime et l'ambition d'un grand destin. Mais au moment du tournage des Enfants du Paradis, faut-il le rappeler, nous sommes en 1943, ces mots résonnent cruellement avec la réalité de la guerre. Cette maudite guerre qui met aussi le film à l'arrêt à Nice en septembre 1943. De retour à Paris, Marcel Carné négocie la reprise de son œuvre par la société Pathé, soit des mois de discussions avec la firme Coq et autant de tractations avec les comédiens. Mais tous répondent à l'appel, sauf Robert Le Vigan, collaborateur et antisémite notoire, qui par peur de la débâcle fuit en Allemagne. Pierre Renoir, le frère aîné du cinéaste Jean Renoir, le remplace au pied levé dans le rôle de Géricault, le marchand d'habits. Le 9 novembre 1943, après 3 mois d'interruption, le tournage des Enfants du Paradis peut enfin reprendre. Mais à Paris, dans les studios de la rue Francoeur, le travail est toujours aussi difficile. Les alertes sont fréquentes, la pellicule rationnée, l'électricité souvent coupée et la peur omniprésente. L'équipe du film, comme la France entière, compte dans ses rangs des collabos affichés, des vichistes hostiles à l'Allemagne, ça existe, des résistants, des épiciers du marché noir, des informateurs de police et des juifs cachés. Les descentes de police sont fréquentes. Dans ses mémoires, Carnet raconte une arrestation particulièrement douloureuse. Au début d'une scène, son régisseur l'informe que la femme de l'un des figurants a eu un grave accident. Celui-ci est attendu au bureau de la production. Rompu à la méfiance, Carnet prend alors toutes les précautions et questionne sans relâche son régisseur. « Tout a l'air normal », lui dit-il. Il se retrouve alors devant un choix cornélien. Si c'est un piège, il l'envoie à l'échafaud. Mais si c'est vrai, prendra-t-il le risque de le priver des derniers instants de sa femme? La pitié prend alors le pas sur la crainte et Carnet prononce cette phrase qu'il ne s'est jamais pardonnée. On demande Monsieur X au bureau de production. Et c'est la Gestapo qui l'attend. Et c'était effectivement un résistant. Et puis il y a la faim qui creuse tous les ventres, comme le raconte l'électricien de plateau, Jean-Roger Bontemps, dans le documentaire « Il était une fois les enfants du paradis ». C'était terrible, on avait des tickets de pain, on avait des tickets de viande. Vous vous rendez compte, 48 grammes de viande par personne et par mois, je crois que c'était. 48 grammes sans os et 100 et quelques grammes avec os. Vous savez la cuisse de poulet qu'il mange à un moment, Pierre Brasseur ? Il en a goûté pas mal des cuisses de poulet. Je vous assure qu'il y en a quand même été les ramasser quand ils la jettent et qu'ils les ont mangées. Parce que ça nous tentait, vous rendez compte? Un poulet comme ça dont il arrachait la cuisse, je sais pas comment ils ont fait pour retrouver les poulets. Ils ont dû les acheter au marché noir. Mais c'est, j'y pensais à chaque fois que je vois le film, je pense à cette cuisse qui voltige là. C'est, ça tentait, vous savez, on avait souvent le ventre creux. Pour d'autres, c'est la peur, disons, professionnelle qui serre le ventre à l'entrée du plateau. Marcel Carné a la réputation d'être un réalisateur très dur, autoritaire, perfectionniste jusqu'à la tyrannie. Maria Cazares, qui joue alors Nathalie, amoureuse d'Ibim Baptiste, en fait les frais. Comédienne de théâtre, c'est son premier rôle au cinéma et elle supporte mal la pression, ce que Carné supporte mal. Alors, les insultes fusent et les larmes de Cazares coulent. Ses collaborateurs non plus ne sont pas en reste. Le décorateur, Léon Barrasque, dira de Carné qu'il était complètement hypnotisé par son film. Rien d'autre ne comptait pour lui. C'est tout juste, s'il ne pensait pas que les gens continuaient à faire la guerre juste pour l'emmerder. Pour l'emmerder ou pas, la guerre continue. Et Marcel Carné poursuit le tournage des Enfants du Paradis avec une détermination exceptionnelle. Le 21 février 1944, après 3 mois dans les studios parisiens, l'équipe est autorisée à repartir sur la Côte d'Azur, retrouver le fameux boulevard du crime. Oui, mais les décors sont très endommagés et le couvre-feu est imposé de façon rigoureuse. Les retards et les imprévus s'accumulent, tout comme les dépenses. Des 26 millions de francs prévus initialement, le film en coûtera 55, soit 7 millions d'euros aujourd'hui. Point d'orgue de ces moyens exceptionnels, la grande scène finale du carnaval où l'on compte jusqu'à 2000 figurants. Finalement, début juin 1944, près d'un an après le premier coup de manivelle, le tournage touche à sa fin et il flotte dans l'air comme un avant-goût de victoire. L'anecdote est contée par le réalisateur Bertrand Tavernier en 2009. Troner m'avait raconté que Prévert était venu le chercher. Et il l'emmène dîner dans un petit restaurant comme ça qui était dans la Cambrousse. Et en rentrant, il y avait des langoustes. Prévert regarde Troner, dit « Écoute, pour fêter cette sortie, on va prendre une langouste chacun. » Quelques temps après, dans le restaurant, arrive Arletty avec des Allemands. Et Arletty les remarque immédiatement, va les voir et leur dit « Faites gaffe, il y en a un là-bas, celui-là, c'est Gestapo. Alors, faites gaffe. » Planquez-vous, parlez pas, et si il vous remarque, je viendrai vous le dire. Et puis elle repart les rejoindre. Et un des Allemands, très fort, remarque les langoustes et dit « Oh, des langoustes, on voudrait des langoustes. » Et le patron du restaurant dit « Elles ont été retenues. » Et Troner me dit, à ce moment-là, Prévert s'est tourné vers moi et m'a dit « Voilà, ça c'est la preuve que nous sommes en train de gagner la guerre. » Le tournage s'achève la veille du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Dans Paris libéré, les rires et les explosions de joie laissent place à la violence, encore. Désir de vengeance, règlement de compte, assombrissent la fête, l'épuration commence. Les tribunaux populaires se forment pour condamner les traîtres, les collabos. Et du côté des Enfants du Paradis également, après l'ivresse, arrive une certaine angoisse. Marcel Carné est blâmé pour avoir signé en 1941 un contrat avec la société de production franco-allemande, contrat qu'il a pourtant rompu de sa propre initiative. Le 20 octobre 1944, Arletty est arrêtée et condamnée pour sa liaison avec son officier allemand. Elle est internée à la conciergerie, puis au camp de Morancy, placée en résidence surveillée pendant 1 an et demi et interdite de tourner pendant 3 ans. Elle n'assistera pas à la première de ce qui deviendra pourtant son film le plus mythique. Fidèle à elle-même, elle assume le sort qui lui est réservé. « Mon cœur est français, mais mon cul est international », se justifiera-t-elle, selon la légende. Quand j'étais malheureux, je dormais, je rêvais. Mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus, histoire de vous réveiller un peu. Heureusement, j'avais le sommeil dur, plus dur que les coups. Et je leur échappais en dormant. Oui, je rêvais. J'espérais. J'attendais. C'est peut-être vous que j'attendais. Déjà. Mais pourquoi pas? Je vous voyais sans doute dans mes rêves. Ne souriez pas. Aujourd'hui, en me jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours. Quel drôle de garçon vous faites. Comme vous êtes belle. Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout. Vous êtes la plus vivante. Jamais je n'oublierai cette nuit. Et la lumière de vos yeux. Oh, la lumière, une petite lueur, comme tout le monde. Tenez, regardez. Les petites lueurs, les petites lumières de Ménilmontant. En attendant la fin de ces temps troublés, Marcel Carné retarde volontairement la fin du montage. En fait, il attend le 2 mars 1945 pour la grande première des Enfants du Paradis au Palais Chaillot, à Paris. Il voulait en faire le film de la paix retrouvée. Il le sera, au-delà de ses espérances. Avec les Enfants du Paradis, le réalisme poétique atteint son apothéose cinématographique, son chant du cygne aussi. Au lendemain de la guerre, en effet, il n'y a plus de grande illusion possible, et le duo Carné-Prévert n'y résistera pas. Après un dernier film ensemble, ils se séparent en 1949. Le film « Les Enfants du Paradis » entre lui et d'emblée au panthéon de l'histoire du cinéma, il ne l'a jamais quitté. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Vous écoutez France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui les Enfants du Paradis. Notre invitée, Carole Rouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de Jacques Prévert. Vous lui avez consacré une dizaine d'ouvrages, dont le dernier, Prévert et le cinéma, publié aux nouvelles éditions Jean-Michel Place en 2017. Alors beaucoup d'entre nous connaissent bien l'œuvre poétique de Jacques Prévert. On l'a lu, étudié depuis... pour certains, la plus tendre enfance, moins peut-être son cinéma, alors qu'il a collaboré tout au long de sa carrière avec de nombreux cinéastes, Carné évidemment, je pense aussi à Grémillon, Paul Grimaud, Pierre Prévert, son frère d'ailleurs, Jean Renoir, et j'en passe. Comment Prévert vient-il au cinéma? Oh, c'est une longue histoire et... On va la faire courte. Même si elle est je vais essayer de la faire courte, en effet. En tout cas, c'est l'activité qu'il préfère. Hein. Prévert est un artiste protéiforme. Il est effectivement poète, il fait des collages, il écrit des pièces de théâtre. Et il est scénariste. Il a toujours dit que c'était homme de cinéma, quelque chose qui le fascinait. Il est fasciné par le cinéma dès son plus jeune âge, en fait. Hein. Il fait l'école buissonnière pour se rendre dans les salles obscures. Il est fasciné par les burlesques, par Fantomas, notamment. Et en fait, il ne cherche pas à travailler pour le cinéma, c'est son frère cadet, Pierre Prévert, qui a 6 ans de moins que lui, qui est devenu réalisateur, qui commence par être projectionniste et qui fait un petit peu le lien entre Jacques et le cinéma. Il lui parle notamment de grands registres qui se trouvent vers le boulevard Poissonnière, dans lesquels on peut s'inscrire pour faire de la figuration. Prévert n'a pas particulièrement envie de faire la figuration, mais il a terriblement besoin de gagner de l'argent et il s'inscrit sur ces registres. Et en fait, il va être repéré par le réalisateur Henri Fescourt en 1924, qui lui propose de faire de la figuration. Et il fait de la figuration dans son film qui a pour titre Les Grands, donc en 1924. Et c'est assez drôle parce que Prévert, qui a été plutôt une sorte de cancre dans le sens où il pratiquait l'école buissonnière, incarne là le rôle d'un jeune élève extrêmement studieux avec des petites lunettes. Ce qui fait de lui d'emblée un comédien. Donc c'est sa première expérience véritablement avec le cinéma. Et puis ça va se faire progressivement. Son premier coup d'essai, en fait, c'est en 1928, cinéma encore muet, avec son frère Pierre Prévert et avec Marcel Duhamel. Et puis, petit à petit, ça va continuer. Peut-être quelques titres marquants avant Les Enfants du Paradis. L'affaire est dans le sac, en 1932, réalisé par Pierre Prévert. Autant Lara, dès 1933, pour Ciboulette. Et puis Jean Renoir, que vous avez cité en 35-36, avec Le Crime de Monsieur Lange. Alors, avec Carnet, la collaboration avec Carnet, on l'a dit, était très efficace d'un point de vue artistique. En revanche, elle n'était pas forcément amicale. C'est vrai. Pourquoi est-ce que... Effectivement, je pense qu'il y a une vraie complémentarité dans le travail parce que ce sont deux bonhommes extrêmement différents. Et il y a cette sorte d'opposition qui leur permet d'être très efficaces, c'est-à-dire que... Réalisme pour Carnet, poésie pour Prévert, poésie, c'est ça ? Imagination débridée pour Prévert, quelqu'un d'extrêmement foisonnant, avec une verve incroyable, et on a un Carnet qui arrive en quelque sorte, alors le cadrer, le terme est peut-être un peu fort, le verbe n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, à le canaliser. Donc voilà, cette complémentarité fait qu'ils travaillent très très bien ensemble. Deux, dans leur collaboration, représentent ce qu'on appelle le réalisme poétique du cinéma de cette époque-là. Si vous voulez, en quelque sorte, c'est un peu ça, effectivement. D'accord. Il y a quelqu'un de très terre-à-terre, qui sait porter un film, qui sait gérer une équipe, et puis de l'autre côté, on a quelqu'un avec cette imagination débordante. Alors, avant de revenir sur Les Enfants du Paradis, avec vous, j'aimerais faire écouter aux auditeurs et à vous-même cet archive qui dit peut-être tout sur Prévert, finalement son esprit facétieux, drôle, mélancolique aussi. C'est un extrait du film documentaire Mon frère Jacques, réalisé en 1961 par Pierre Prévert. Marcel Carnet, Pierre et Jacques Prévert sont en grande conversation autour d'une table. On aurait bien aimé être invité ce soir-là. Écoutez, bien évidemment, on est tous en train de mourir, plus ou moins, mais on y met le temps, par exemple. C'est dans la vie, ça. Mais par exemple, si je dis, moi, aujourd'hui, nous sommes vivants. Bon. Mais si je dis, en regardant dans les téléspectateurs, je dis, aujourd'hui, je suis mort. Aujourd'hui, je suis mort. C'est une plaisanterie. Mais si le film dure longtemps, mettons qu'il repasse dans 30 ans. Mettons, quand tu veux, Cette émission-là. Ça repasse. Puisque je dis, je suis mort. Je vais le dire lugubrement. Je suis mort. Les gens qui le regarderont. Mettons, en admettant que je suis centenaire, ce que je cherche d'ailleurs, oui. En l'an 2000, ils verront un type qui dit « je suis mort ». Ils diront « il ne croyait pas si bien dire ». Et c'est vrai. Non, tu n'es pas mort et... Ah, nous sommes pas, non. Nous sommes tous vivants. On va se retrouver dans... Mais bien dans vivants d'ailleurs. Autour de cette même table. Dans un nouveau film. Ah bah, espérons-le. Voilà, c'est Carnet qui dit, espérons-le, à la fin, lorsque Pierre Prévert évoque un nouveau film qu'ils pourraient faire ensemble. En fait, depuis 49 et après 7 films, Carnet et Prévert ne retravailleront plus ensemble. Il y avait une raison précise à cela ? C'est vrai que la situation, enfin en tout cas les relations entre les deux hommes se sont dégradées sur le tournage d'un film qui s'appelle La Fleur de l'âge et qui en fait devait reprendre une partie de l'équipe des Enfants du Paradis. On devait retrouver Arletty, Trôneur, Cosma, entre autres. Et le film, le tournage a été assez chaotique et s'est interrompu au bout de quelques semaines. Et la situation, en fait, s'est dégradée entre les deux hommes au point qu'ils se sont véritablement fâchés. Prévert a d'ailleurs envoyé un télégramme à Marcel Carnet assez délectable sur lequel il a fait écrire « Je te prie de rentrer grands chevaux dans petites écuries ». Et voilà, il y a eu cette brouille et effectivement, ils n'ont plus retravaillé par la suite ensemble, mais ils se sont quand même vus, ils se sont réconciliés et ils ont gardé une relation, alors certes, peut-être pas très amicale. En tout cas, ce n'est pas une amitié comme celle qui a pu unir le décorateur Alexandre Trauner et Jacques Prévert. Mais il y a eu quand même cette relation-là jusqu'à la fin de leur vie. Alors, revenons aux Enfants du Paradis. Vous avez longuement travaillé sur ce film, mais plus précisément sur son scénario original, publié en 2012 aux éditions Gallimard, avec une préface que vous avez rédigée. Dans un film, il y a toujours des scènes non retenues. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces scènes? On ne les fait pas toutes, hein, surtout. Parce que sinon, on est encore à 16h30, on est chez De Caunes, sinon. Écoutez, finalement, il y a peu de scènes qui n'ont pas été retenues. Par contre, ce que j'ai découvert à l'occasion de mes travaux et de cette publication, c'est que Prévert avait initialement prévu une troisième partie. Alors déjà 3 heures pour les deux parties. Alors bah effectivement, vous avez mis le doigt là justement sur le refus de cette troisième partie, c'est que le film était déjà extrêmement long et que cette troisième partie ne s'est pas faite. Alors ça a été longtemps une sorte de mythe. J'ai vraiment cherché à nous prouver que cette partie existait parce que Prévert le niait, mais en fait il en avait marre. Je pense qu'on lui parle de cette troisième partie. Et en fait, à la fois dans le scénario, dans les maquettes de costumes, dans les décors et surtout dans un synopsis inédit de 23 pages que j'ai pu retrouver à cette occasion-là, je me suis aperçue que cette troisième partie était prévue et qu'elle devait être consacrée au procès de Baptiste et au procès de Lassner, un double procès. Oui, et il y a effectivement des maquettes de cour d'assises. D'accord. Alors, si on considère que la femme est l'avenir de l'homme, ce qui n'est pas complètement idiot, on va parler de la femme. Hein. Mm-hmm. La femme de ce film, évidemment, elle s'appelle, le personnage s'appelle Garance et la femme réelle s'appelle Arletty. On l'a dit, elle représentait la modernité, c'est probablement vrai. Quelle modernité elle représentait à cette époque-là? Oh, c'est une question un peu complexe, mais en tout cas, c'est toute la modernité qu'Arletty elle-même aussi pouvait incarner dans sa vie, parce que vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure dans cette magnifique déambulation que vous nous avez livrée sur les Enfants du Paradis. Garance s'inspire énormément d'Arletty. Alors, ce n'est évidemment pas un hasard, parce que Prévert aimait écrire pour le cinéma parce qu'il aimait les acteurs. Il a toujours expliqué que s'il faisait du cinéma, c'était pour les acteurs, que c'était absolument merveilleux. Et donc, il créait pour les acteurs qu'il avait choisis des rôles sur mesure et des personnages qui allaient puiser dans les tempéraments et la vie des acteurs. Et effectivement, Arletty est née à Courbevoie. Elle a une mère qui est lingère, comme par hasard, comme Garance. Elle a la même gouaille, elle a la même veste. Elle a eu une enfance assez difficile qui l'a fait pousser un peu comme une herbe folle dans les rues. Donc voilà, il y a tous ces parallèles-là. Et en tout cas, Garance a la même liberté qu'Arletty, la même verve qu'Arletty. Et cette absence de calcul et cette sincérité et cette limpidité constamment au fur et à mesure du film. Et c'est un personnage aussi qui est extrêmement moderne parce que Prévert l'a dit plus tard. Il était extrêmement agacé par la misogynie qui régnait au cinéma à cette période-là. Et il avait envie de créer des rôles féminins forts et marquants qui ne soient pas des faire-valoir des personnages masculins. Et c'est effectivement pleinement le cas avec Garance dans Les Enfants du Paradis. Je vois que vous vous animez. Et si on écoutait Arletty dire la même chose que vous, ça montrerait l'excellence de votre analyse. Et puis ça nous donnerait le plaisir d'entendre la voix mythique. J'ai l'impression que cette horreur que vous avez de vous entourer de votre propre image correspond un peu à, chez vous, le besoin de larguer le passé, de larguer les souvenirs. Oui, je largue, c'est bien, c'est un bon mot. Je largue, oui, je largue. Et je largue sans tristesse. Je largue, c'est bien, c'est tout à fait ça. Vous ne vous êtes pas mariée, vous n'avez pas eu d'enfant. Non, par volonté. Par goût de la solitude. J'étais moderne, déjà. De la liberté. De la liberté. De la fuite, même, peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est un domaine tellement privé. Allez, je largue, avis aux amateurs. Cela dit, maintenant redonnons au sérieux, Arletty et sa liaison avec un officier allemand, évidemment c'est très lourd, elle s'en est remise? Comment s'en est-elle remise? Comment elle a vécu cette période juste après? Rappelons qu'elle n'a pas pu assister à la première. Oui, tout à fait. Elle était en résidence surveillée. sur cette période-là, avec sa pudeur, elle ne s'est jamais trop livrée. En tout cas, elle est revenue quand même ponctuellement sur le sujet quelques années après, au moment du tournage de La Fleur de l'âge, parce qu'en fait, le producteur va la trouver pour tourner cet autre Carnet Prévert qui n'a finalement pas vu le jour. Et elle a tout de suite répondu au producteur qu'elle n'avait plus tellement envie de revenir devant la caméra et de faire des sourires après ce qui s'était passé, mais qu'il y avait une seule condition qui pouvait faire qu'elle reviendrait, c'était qu'ils réunissent la même équipe que celle des Enfants du Paradis, c'est-à-dire Prévert, c'est-à-dire Trôneur, c'est-à-dire Cosma, c'est-à-dire Carnet. Et c'est ce que le producteur a fait. Et Arletty a accepté de revenir et a rejoué, a repris goût à cette vie de cinéma. Alors, une autre phrase m'a interpellé sur ce thème-là, c'est Carnet qui dit, on l'a diffusé dans le récit, il s'agissait de gagner par l'esprit ce qu'on avait perdu par les armes. Ok, pourquoi pas. Il se trouve que d'autres, comme Gabin, ont eu un autre raisonnement. Et eux sont partis. Voilà, comment expliquer son choix? C'est une position compliquée quand même, qui nous dit aussi beaucoup de choses, du comportement de beaucoup de gens pendant Bien sûr, il y a plein de moyens de résister, de s'engager. La création et la poésie sont des actes de résistance, et ce sont ces voies qu'on choisit d'emprunter Carnet et Prévert. J'aime bien rappeler quand même l'étymologie du mot poésie. En grec, ça veut dire « action de faire ». Création. Et leur moyen de résister, ça a été la poésie, sous toutes ses formes. Je reviens au thème du film. Qu'est-ce qui fascinait Prévert et Carnet, même Prévert, vous êtes une spécialiste de Prévert, de ce Paris de la fin du milieu du 19e siècle, la fin de la Restauration, en fait. Il y avait ce Paris-là, elle les fascinait. Pourquoi ? C'est des opportunités cinématographiques qui les fascinent là dans ce projet. En fait, ce qui fascine Carnet en tant que metteur en scène, c'est la possibilité de réaliser un film avec de grands décors, de grands costumes, énormément de figurants et de rendre compte de ce Paris du début du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle. Ce qui fascine davantage Prévert tout de suite sur le moment, ce qui est l'étincelle qui fait qu'il s'enflamme, c'est le personnage de Lassner. Prévert est fasciné par Lassner, par le poète assassin, par celui qui se dit en révolte contre la société. Mais il est lucide, Prévert. Il sait très bien qu'on ne lui permettra jamais d'écrire un scénario sur Lassner. Par contre, il est malin. Il sait qu'il va pouvoir insérer Lassner dans un scénario sur De Bureau et sur cette période de l'histoire française et sur le théâtre. Et c'est ce qu'il fait. Donc, ce sont des enthousiasmes pour des domaines un peu différents. Bien joué, finalement. Bien joué, en tout cas. Au passage, alors, est-ce qu'on peut y voir des résonances avec l'époque à laquelle il était écrit et tourné, c'est-à-dire la guerre et l'occupation? Est-ce qu'il y a des doubles sens? Oh, il y a toujours de doubles sens dans les réalisations de Prévert et Carnet, particulièrement dans les deux tournées pendant l'occupation, en l'occurrence Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis. Eux ne s'en sont jamais revendiqués, même quand on leur en parlait, ils avaient plutôt tendance à le nier. Hein, si je reprends, là, pas dans Les Enfants du Paradis, mais dans Les Visiteurs du Soir, la fin du film, avec ce cœur qui bat sous l'homme qui a été transformé, les amoureux qui ont été transformés en pierre, évidemment que c'est une symbolique de la résistance et de ce cœur qui continue de battre. Évidemment que la liberté de Garance dans Les Enfants du Paradis, les intrigues secondaires avec des amours tout à fait différentes autour de l'amour de Baptiste et de Garance sont des thèmes qui résonnent fortement auprès des spectateurs de cette période-là. Alors ce film tient une place particulière, spécifique dans le panthéon du cinéma français, Les Enfants du Paradis. Il le tient pour toutes ses raisons, pour son histoire, il le tient aussi de façon artistique. Voilà, ça c'est pour le film. Maintenant Prévert, on va finir avec lui. Voilà. Volontiers. Alors voilà, je demande à la spécialiste tout simplement quelle place il tient, lui, dans notre panthéon littéraire français. Dans le panthéon littéraire. Ouais. Et poétique. Voilà. Une place extrêmement importante, mais avec des éléments qui sont assez surprenants. C'est-à-dire que Parole, qui est son recueil de poèmes le plus connu, vendu dans le monde, le plus traduit, touche évidemment un certain nombre de lecteurs, et notamment la jeunesse, et qu'il résonne encore aujourd'hui. Donc une place extrêmement importante dans le cœur des lecteurs, c'est-à-dire presque, j'ai envie de dire, chez les Enfants du Paradis, chez le vrai public. Oui, c'est vrai. Et puis finalement, une place assez difficile encore à obtenir auprès auprès des intellectuels, auprès du milieu universitaire, parce que bon, bah, vous comprenez évidemment, Prévert, ce n'est pas de la littérature. C'est facile, c'est abordable. Il écrit comme il parle, etc. Ah oui, ce qui est parfaitement faux aussi. Hein, ce qui est parfaitement, quelqu'un qui travaille. Est parfaitement de la littérature. Voilà. Aussi. Également. Bon. Donc voilà, un double face, en fait. Voilà, pas de double sens, mais un double face. Merci infiniment, Carole Horway. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes une spécialiste, effectivement, de Jacques Prévert, et on l'a bien senti. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les enfants du paradis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique.